suis bien Zeus, Jupiter, Jéhovah, Allah, Brahma, Dieu quoi. Ah tu me remets, ok. Comment? Oui, ça fait longtemps que je suis parti, mais je suis de retour là justement. Je suis aux portes de la galaxie, j'arrive, j'en ai plus pour longtemps. Tu peux prévenir ton cousin Jésus? Ton cousin Jésus? Cette fois.